le néant, le néant l'air, l'air d'un. Qu'on se le dise entre pantins, car la crise, car l'instinct, car plus ça monte et plus j'ai honte, plus je me rends compte que je suis pas grand, pas grand, pas grand, et ça m'énerve. Je perds mon latin, je perds ma verve. Centième étage, centième cage, centième rage, je serre les dents. Enfin sur terre et solitaire. Par les rues j'ai, au gré du vent, je cherche une âme au cœur du soir. Je ne réclame qu'un peu d'espoir. Yeah.